Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1997, par une série de 5 émissions des Chemins de la musique, Daniel Coe nous prenait au mot, nous posant, pour mieux y répondre, la question « Vous avez dit minimalisme ». De ce courant musical, né aux États-Unis au début des années 60, il nous racontait l'histoire, nous exposait les origines et les influences, et nous présentait les figures les plus importantes. Au premier rang d'entre eux, Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich et Philip Glass. On retrouve Lamont Young et Terry Riley lors d'entretiens dans le deuxième volet de cette série sous-titrée « Pénétrer dans le son ». Grâce à des enregistrements très rares, on voyage dans la musique, dans le son de ces pionniers du genre minimaliste, en allant faire un tour du côté du Théâtre de la musique éternelle de Young et Marianne Zazila, dans « The Gift et Incy » de Terry Riley. Les chemins de la musique, vous avez dit « Minimalisme » par Daniel Coe, deuxième volet d'une série de 5, « Pénétrer dans le son ». Les chemins de la musique, vous avez dit minimalisme par Daniel Coe. Aujourd'hui, pénétrer dans le son. La musique que nous écoutons est celle du Théâtre de la musique éternelle du compositeur américain Lamont Young, qui chante avec sa compagne Marianne Zazila sur un bourdon produit par un générateur d'ondes sinusoïdales, selon le système d'accords très précis que l'on appelle intonation juste. Lamont Young est né en 1935 à Berne, dans l'Idaho. Il a passé son adolescence à Los Angeles, où il a commencé ses études musicales, jouant la nuit du saxophone dans les clubs avec des jazzmen tels qu'Eric Dolphy, Don Cherry et Denise Boudimir, des études terminées à Berkeley, près de San Francisco. Il est considéré comme le père de la musique minimale. Bien avant Terry Riley, Steve Reich et Phil Glass, il a composé en 1958, à l'âge de 23 ans, un trio à cordes constitué d'une succession de séquences d'accords maintenus, espacées par des silences, certains de ces accords se prolongeant sur la durée de plusieurs minutes. Après un stage à Darmstadt avec Stockhausen en 1959, il se fixe à New York où il devient le chef de file du mouvement néo-dadaïste Fluxus avec des pièces conceptuelles, des partitions en forme d'éclairs de pensée, de haïku, tels que « Si et fa dièse à tenir longtemps » ou « Tirez une ligne droite et suivez-la ». Ah. c'est en 1962 que la Mantiou fonde le Théâtre de la Musique Éternelle avec la plasticienne Marianne Zazila, qui se fait vocaliste pour l'occasion et crée des lumières colorées qui sont projetées sur les musiciens, John Cale et Tony Conrad au violon et à la guitare jouée à l'archet, et Angus MacLise aux percussions à main nue, lui-même la Mantiou jouant du saxophone sopranino. Viendra ensuite le son continu du Bowed Gong, un grand gong joué à deux archets. Puis en 1964 commence le chant qu'il pratique en compagnie de Marianne Zazila et de quelques amis parmi lesquels Terry Riley. C'est en 1968 qu'il associe le chant au son continu produit nuit et jour par un générateur d'ondes sinusoïdales pour le projet d'une Dream House, une maison pour le rêve dans laquelle à intervalles plus ou moins réguliers, des chanteurs et des instrumentistes pourraient venir associer leur propre son au son électronique continu. When you consider my ideas about having a dream house, a place where my music quand could be played. À mon idée d'avoir une maison de rêve, une maison où la musique pourrait être jouée de manière continue. Allowing the musicians. Je pense aux musiciens. To be in a situation de manière where à leur permettre de jouer. Play as much of the time as they possibly had the physical energy to play. Tout le temps que leur permettrait leur énergie physique. The idea would be that they would sleep and eat at the dream house in separate rooms. L'idée, ce serait qu'ils mangeraient, qu'ils dormiraient dans la maison de rêve, dans des chambres séparées. Il y aurait des haut-parleurs dans toutes les pièces, ce qui fait que les musiciens pourraient entendre ce que les autres musiciens seraient en train de jouer. Ça demanderait beaucoup de musiciens, mais on pourrait y suppléer par un équipement d'ondes électroniques sinusoïdales. Et les musiciens qui ne seraient pas en train de jouer écouteraient les autres, ce qui fait que lorsqu'ils interviendraient à leur tour, ce serait avec une conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que la musique devient un organisme vivant. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose qui continuerait pendant une période de temps illimitée? Ça, c'est vrai. Quand je mets sur pied mes performances de la maison de rêve, dans des lieux divers, dans des musées, dans des fondations, dans des galeries, on fait durer l'environnement de son et de lumière pendant plusieurs semaines. Et dans certains cas, peut-être quelques mois. Et nous allons y chanter quelques heures par jour. So I can only afford, I can't even afford to do what I do, to have enough musicians mais with me, to keep me d'avoir assez de musiciens pour que le son continue. To have it going continuously with live musicians. Je n'ai pas les moyens que ça dure sans arrêt avec des musiciens en direct. A somewhat expensive parce que c'est un projet plutôt cher. Even if the musicians are already devoted, même si les musiciens in a saintly way, sont dévoués d'une manière presque don't sainte, want a great amount of money, même s'ils ne demandent pas beaucoup d'argent pour faire ce travail, même s'ils croient complètement à cette musique, il faut encore les nourrir et les loger. And that's expensive. Et ça, c'est cher. Just having a building, ne serait-ce qu'avoir un bâtiment this kind of thing could où la musique on. Peut se dérouler. But I'm thinking in terms of the music. Pénétrer dans le son, c'est tout le propos de la démarche de la Mantiou. John Cage a dit de cette expérience qu'elle avait changé sa façon d'entendre n'importe quoi. C'était, disait-il, comme lorsqu'on regarde quelque chose au microscope. Après, on voit différemment, même sans microscope. Avec la musique de la Mantiou, ajoutait-il, on peut dire que l'on entend à l'intérieur du son, à l'intérieur de l'action. C'est en 1966 que Lamont Young a commencé à travailler sur les Drift Studies, des études sur les effets de dérive de deux ou plusieurs ondes sinusoïdales mathématiquement accordées selon le principe de l'intonation juste, c'est-à-dire sans le moindre battement, avec des rapports non pas aléatoires, mais parfaitement périodiques entre les fréquences. Ceci afin d'obtenir sur une longue durée d'écoute des effets psychoacoustiques précis. Constitué de deux ou plusieurs fréquences fixes, le son électronique de la Drift Study possède des qualités singulières, c'est-à-dire que lorsqu'il est donné à entendre comme musique d'environnement dans un lieu clos, il a le pouvoir par exemple de suivre l'auditeur dans ses déplacements en modifiant notablement son apparence par le phénomène acoustique des ondes stationnaires, un phénomène qui accentue en certains endroits les fréquences graves au détriment des aigus et inversement en d'autres endroits, des modifications qui peuvent aller jusqu'à un changement soudain de la hauteur tonale. J'ai donc commencé à chanter. And I also acquired some sine wave generators. Et j'ai fait l'acquisition de générateurs d'ondes sinusoïdales. And some oscilloscopes. Et de quelques oscilloscopes. So that I could tune the sine waves with Lissajous patterns. Pour pouvoir accorder les ondes sinusoïdales avec les courbes Lissajous. Pour obtenir des ratios de fréquences très précises. To and learn about what these et pour apprendre le son de ces fréquences when they were so perfectly lorsqu'elles étaient tuned. Aussi parfaitement accordées. And I sustained these around my studio et je les ai maintenues dans mon studio years. Pendant un certain nombre d'années. Avec le son unique de Lamont Young, constitué de fréquences accordées selon un principe parfaitement périodique d'intonation juste, un principe qui vise sur de longue durée à des effets psychoacoustiques, on se trouve bel et bien devant la quintessence de l'élément fondamental qui relie entre elles les différentes musiques du courant que l'on a appelé minimaliste. Il n'y a pas loin en effet de la musique du son continu de Lamont Young à la musique dite répétitive. Et cela d'autant plus que le son continu est en lui-même répétitif, puisque par l'intermédiaire de notre oreille, il est dû à des impulsions successives reçues par notre cortex cérébral. Le premier musicien qui, sous l'influence de Lamont Young, a développé une esthétique musicale proprement répétitive, c'est son ancien condisciple de Berkeley, Terry Riley. Né en 1935 à Colfax, en Californie du Nord, Terry Riley a fait partie dès le début des années 60 du Tape Music Center de San Francisco, où il a commencé à créer des musiques à partir de boucles de bandes magnétiques. Et c'est à Paris, au Théâtre Récamier, qu'en juillet 1963, dans le cadre du Théâtre des Nations, il participe à la pièce de Ken Dewey pour comédiens, musiciens, mimes et danseurs, The Gift. Il y participe avec le quartet du trompettiste de jazz Chet Baker. Avec l'aide d'un ingénieur du son de la radio française appelé à l'époque ORTF, il réalise une musique pour boucle de bande magnétique qui s'intègre au spectacle. C'est un document très rare que nous avons eu la chance de retrouver. Le plus fascinant dans la musique pour bande magnétique de Terry Riley pour le spectacle The Gift, c'était la superposition des boucles de bande magnétique d'enregistrement de la trompette de Chet Baker comme un monde fantasmatique d'échos démultipliés. Rentré à San Francisco en 1964, il a commencé à imaginer une composition de ce genre, mais cette fois interprétée non pas par des boucles de bande magnétique, mais par des êtres humains. Et cette composition a été INSI, constituée de 53 figures différentes. Sur la pulsation de deux notes do jouées simultanément au piano, les interprètes répètent chacune de ces figures le temps qu'ils veulent, indépendamment les uns des autres, en respectant l'ordre des figures. Il résulte du chevauchement des cycles de différentes durées, la formation de groupes et de sous-groupes qui se dissolvent et se reforment dans une musique modale en perpétuel changement. Nous écoutons un extrait de la première de INSI qui a eu lieu le 4 novembre 1964 à San Francisco avec 12 musiciens parmi lesquels Morton Subotnick à la clarinette, Pauline Oliveros à l'accordéon, John Gibson au saxophone soprano et au piano, Terry Riley et un jeune étudiant de Luciano Berio au Mills College appelé Steve Resch. Un document cette fois encore rarissime. Thank you. Tout comme son ami Lamont Young, Terry Riley a été très vite conquis par la musique classique de l'Inde du Nord, qui cherche, comme on le sait, à mettre l'auditeur dans un état psychologique précis. À partir des années 70, ils étudieront tous deux le chant hindoustani Kirana avec le Pandipranath. Même si sa propre musique de superposition de cycles est très différente de la structure de la musique de l'Inde du Nord, c'est à cette dernière que Terry Riley aime la comparer. La musique, c'est un mantra. Sa re ga ma pa da ni sa do re mi fa so va ti do, ça c'est un mantra. Et pour musique répétition, c'est une fonction universelle. Et c'est pour mettre les musiciens dans lui-même, pour la concentration. In India, they say dhyan, dhyan. En Inde, ils disent dhyan, cette sorte de concentration où on pense avec les oreilles, en son musical. Vous entrez à l'intérieur de vous-même et il vous apparaît des choses magnifiques. That's dhyan. That's a concent. But in English, I think they might say concentration, but it's not the same. Or le français, c'est concentration. Mais ce n'est pas juste concentration, c'est concentration avec dévotion. Terry Riley, une version inédite de Poppy No Good and the Phantom Band, Poppy No Good et l'Orchestre Fantôme, improvisé en concert au saxophone soprano par le compositeur, avec démultiplication d'échos retardés par réinjection à l'aide de deux magnétophones. Thank you. Les chemins de la musique, vous avez dit minimalisme par Daniel Co. Aujourd'hui, pénétrez dans le son, mixage Olivier Dupré, réalisation Gérard Brodin. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 octobre 1997. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.